franceinter.fr. Radioscopie. Radioscopie. Jacques-Yves Cousteau. Jacques Chancel. Mon invité est aujourd'hui le commandant Cousteau. Tout à l'heure, commandant, je vous ai accompagné dans votre musée océanographique de Monaco et je me suis aperçu de l'accueil qui vous y était fait. J'ai vu des gens de toutes nationalités, des hommes, des femmes qui parlaient toutes les langues, qui vous disaient bonjour mon commandant. Et j'ai vu également beaucoup de jeunes. Et j'avais l'impression, je les regardais bien, j'avais l'impression que ces jeunes vous étaient reconnaissants de ce que vous aviez fait pour eux. Avez-vous ce même sentiment lorsque vous les rencontrez ? Certainement. Et d'ailleurs, je consacre une partie relativement importante du temps que je passe à terre pour leur parler dans des lycées, dans des classes secondaires et même primaires. Et c'est assez extraordinaire de voir à quel point, pourquoi je n'en sais rien, tous ces jeunes gens et ces gosses sont passionnés par le monde qui a été récemment révélé, c'est-à-dire le monde qui avait été caché sournoisement sous la surface pendant des siècles. Une autre civilisation. Eh bien, c'est peut-être, en tout cas, le début d'un chapitre de la civilisation qui tiendra compte de la mer alors qu'on en avait été divorcé jusqu'à présent. Vous avez dit tout à l'heure en vous présentant Jacques-Yves Cousteau. En effet, c'est votre nom. Oui. Mais pour le monde entier, vous serez le commandant Cousteau. En France. Pas à l'étranger. À l'étranger, on m'appelle plus volontiers par mon prénom. Oui, aux États-Unis, par exemple, ils ne savent pas prononcer Yves, alors c'est Jacques Cousteau. Peut-on considérer que votre vie est une aventure ? Ah, oui. D'ailleurs, même pour ceux qui sont les plus sédentaires, s'ils réfléchissent bien et s'ils s'analysent, la vie est une aventure. La vie est une aventure pour tout le monde. C'est le processus biologique de la vie qui est une aventure. Par conséquent, on peut rendre cette aventure plus ou moins étendue, plus ou moins ambitieuse, mais l'aventure est là pour tout le monde. Et par conséquent, moi j'ai la chance que mon aventure ait été très intense. Mais tout le monde vit une aventure en naissant. Vous avez découvert des horizons sans fin. Vous dites à l'instant, j'ai eu de la chance, et c'est en effet de la chance. Les horizons ne sont pas sans fin, malheureusement, vous le savez bien. Ils sont plus ou moins étendus. Mais ce que notre époque a découvert, c'est certainement à cause de la conquête de l'espace, ce que notre époque a découvert, c'est précisément que la Terre, d'abord, n'était pas très grande, que, vu de l'espace, les océans, qui ont l'air d'être infinis, sont tout petits, que nous sommes seuls dans le système solaire, que nous sommes condamnés à la solitude. Et je pense que de cette considération vont naître deux conséquences importantes. La première, c'est une impression, cette solitude va engendrer la solidarité. Je pense que la conscience globale, la conscience universelle des habitants de la Terre est à l'aube de naître, est sur le point de naître. Ça, c'est la première conséquence. Et puis, la deuxième conséquence, tout de même, c'est de s'accrocher à ce qui nous est donné pour le sauver, en sachant que c'est extrêmement rare. Une troisième conséquence, peut-être, c'est de regarder les photographies de satellites et qui montrent des forêts, des lacs, des rivières, et où on ne voit pas les couleurs des atlas. Les frontières n'existent pas. Alors ça vient renforcer cette espèce de solidarité. On sent bien que tous les hommes sont sur la même boule, qu'il n'y a rien d'autre, et qu'il faut préserver ça et surtout ne plus recommencer à mourir pour des frontières artificielles. Commandant Cousteau, on sait que vous avez réussi votre carrière, mais pour autant avez-vous réussi votre vie ? Moi, je le crois que vous l'avez réussi. Oui, vous l'avez bien conduite, en tout cas. Ça, c'est le genre de questions indiscrètes que vous avez l'habitude de poser. Que vous voulez que j'en sache, moi. Je sais que je suis très heureux, c'est tout ce que je peux vous dire. Maintenant, est-ce que j'ai réussi ma vie ? Peut-être que j'aurais dû élever mes enfants un peu mieux, j'aurais dû être plus gentil avec ma femme. On peut toujours dire qu'on a raté sa vie. Mais sa vie, ce n'est pas seulement sur un plan familial, c'est à l'intérieur de soi-même. Oui, mais à l'intérieur de soi-même, c'est forcément... Je sais que j'ai des remords vis-à-vis des amis que j'ai négligés, par exemple. C'est sûr. Le simple genre de vie que j'ai mené m'a obligé à négliger tout un tas de choses. Les amis, les parents, les... Votre passion, vos départs, vous en faites égoïste. Oui, pas égoïste. C'est pas vrai, je suis pas égoïste parce que je travaille pas tellement pour moi. Je travaille... Pour les autres. Enfin, en grande partie, je travaille pour mon équipe. Je travaille, j'espère, pour le reste du monde. Je suis pas intéressé par la propriété privée. Je n'amasse pas de fortune, ça ne m'intéresse pas. Mais donc, je ne pense pas être égoïste. Mais ma passion m'a poussé à négliger les autres, c'est vrai. Cette passion du départ était ambitieuse ? Parce qu'aujourd'hui, vous avez une ambition, mais pour les autres. J'ai toujours aimé... Enfin, c'est par jeu que j'ai commencé. Mmh. C'est par jeu que j'ai commencé à mettre un masque, à faire des palmes, uniquement. Et puis, de fil en aiguille, c'est arrivé à... J'ai eu la révélation du fait que ce jeu, c'était pas un jeu. C'était fondamental et qu'il fallait absolument s'y consacrer. Mais à quel moment avez-vous eu la vocation, car c'est une vocation ? En fait, vous avez eu, vous, commandant Cousteau, plusieurs vocations, vous vouliez tout faire. Oui, j'ai toujours été attiré par la mer, ça c'est un fait. J'ai toujours été attiré par la nage, la natation. Ensuite, si vous voulez, le déclenchement de ma curiosité pour ce qui se passait sous la surface... Ça, je crois que ça a été donné quand j'étais en Indochine, dans la baie de Cam Ranh, par... J'étais en train de faire l'hydrographie, et un indigène nous transportait dans un sampan d'une rive à l'autre. Il faisait terriblement chaud, il était midi et demi ou une heure de l'après-midi. À un moment donné, sur le chemin, l'indigène s'est arrêté, a arrêté sa barque, s'est mis à l'eau sans bruit, a plongé sans masque, sans rien du tout, et remonté avec un poisson à la main. Alors nous lui avons demandé une explication, il nous a expliqué qu'à cette heure-là, les poissons faisaient la sieste et dormaient. Ça, si vous voulez, c'était d'ailleurs probablement pas vrai. Mais ça m'avait extrêmement frappé. De détonateur. Hein, et ça a déclenché, oui, ça a déclenché toute la suite. Mais il y aurait pu y avoir dans votre vie deux autres vocations, c'est-à-dire celle de médecin oui, et alors, celle de cinéaste. Celle de cinéaste. Cinéaste d'abord. Celle de cinéaste d'abord, j'ai toujours fait... Mais c'est feu, là. Oui. Il n'y a pas de doute. Puis le monde du silence, toute cette série, nous avons vu sur la deuxième chaîne. Être médecin, pas tellement médecin d'ailleurs. Je voulais être spécialiste de radiographie. Enfin, comme je suis beaucoup occupé de physiologie, je peux dire que j'ai un petit peu touché aussi à cette vocation. Oui, j'ai eu beaucoup de chance. Il vous arrive parfois de méditer sur la trame du destin. Ah oui. C'était inscrit ? Ou bien vous avez aidé. Ça, j'y crois pas du tout. Mais je crois que rien n'est inscrit. Mais ce qui est certain, c'est qu'on est poussé par des événements à des choses qu'on n'a pas prévues. Ça, c'est sûr. On n'est pas maître de son destin, mais par ailleurs, le destin n'est pas inscrit. Il y a une phrase que vous avez prononcée un jour qui me paraît importante. Le monde marin sera bientôt un paradis perdu. Vous qui avez tellement fait pour le monde marin, vous êtes donc terriblement pessimiste. Je suis pessimiste par la force des choses et optimiste par nature. Alors, c'est un conflit perpétuel chez moi, ça. Je veux tout le temps penser qu'on va s'en sortir, qu'il y a des moyens. Je trouve des moyens, ils sont inapplicables, ils sont utopiques. D'ailleurs, vous savez, le fameux titre du bouquin de Dumont, finalement, l'utopie ou la mort. La mort, oui. C'est finalement, vous savez, vous pouvez tourner cette histoire de droite, de gauche, devant, derrière. C'est vrai. Il faut prendre des solutions utopiques ou bien alors on est appelé à disparaître très rapidement. Ça, oui, je crois. Enfin, prendre des solutions utopiques, c'est y penser, c'est donc en prendre et rêver. C'est là où je suis optimiste. Je suis pessimiste parce que je sais que dans la forme actuelle des choses, je ne connais aucun dirigeant de gouvernement dans aucun pays qui ait la force ou qui ait même les moyens de prendre les mesures utopiques qui seraient nécessaires. Mais je reste optimiste parce que je pense qu'on va finir par forcer les choses à devenir utopiques, c'est-à-dire à sauver le monde. Mais vous luttez, vous, commandant Cousteau, pour que les gens comprennent lorsque vous avez commencé votre série d'aventures. C'est parce que vous vouliez réaliser sans doute une série d'exploits. Et ensuite, vous avez compris que c'était au-delà de l'exploit. Oui, oui. D'ailleurs, l'exploit, vous savez, chez nous, il est très limité. Nous prenons des risques, mais ils sont vachement calculés. Hein. On est là avant de lever le petit doigt, on pèse le pour et le contre, on réduit tous les risques, on prend toutes les mesures de précaution, et à ce moment-là, on fait ce qu'il faut faire. Mais nous ne cherchons ni à être des héros, ni à faire des exploits. Nous cherchons à faire des choses qui sont dans la ligne de notre découverte, si vous voulez. Alors, ça, cette espèce d'aventure que nous menons, pour moi, c'est le support de la découverte du monde. Je vous expliquais même, si ça vous ennuie pas, je vais vous expliquer un truc. Voilà. Je crois que j'ai eu la chance d'être le dernier explorateur. Je crois pas qu'il y en ait d'autres après. Hein. Il y en a eu avant, et jusqu'à moi, si vous voulez, il y avait les gens comme Paul-Émile Victor, comme, etc. Bon, Taziev, tout ce que vous voulez. Bon. Et puis maintenant, il n'y a plus rien. Et une fois la mer découverte, les volcans, les montagnes, les calottes polaires... Il n'y a plus rien à découvrir. Il n'y a plus rien d'important à découvrir. Hein? Bon. Donc j'ai eu la chance d'être le dernier explorateur au sens ancien du terme. Et alors maintenant, chose dont je suis persuadé, c'est qu'il y a une nouvelle espèce d'exploration qui s'ouvre, et que je voudrais aider à ouvrir, c'est... la redécouverte du monde, la redécouverte permanente du monde, parce que le monde est devenu maintenant tellement sujet à transformation à cause de l'homme qu'il faut le redécouvrir, le réévaluer constamment, tous les deux ou trois ans, par une exploration globale, beaucoup plus générale qu'avant, et qu'il faut renouveler parce que ça change trop vite. Le monde d'aujourd'hui n'est pas le même que le monde de 1976, et ensuite, il sera différent de 1978. Et ça va tellement vite que les gens, les nouvelles, les journaux, la télévision n'ont pas le temps de suivre. Il faut donc sauter par-dessus ces barrières et apporter à la télévision, à la radio et aux journaux des éléments réajustant le retard qu'on a sur cette évolution. Et ça, c'est la redécouverte qui est très proche d'ailleurs du journalisme, mais qui n'est pas du journalisme. Mais comment, Cousteau, lorsque vous revenez dans l'Antarctique, est-ce encore de l'exploration que vous faites? Oui. Parce que vous allez encore rencontre. Voilà, mais je vais vous dire. j'ai été en Antarctique après tellement de gens. Il y a tellement de gens qui ont déjà été en Antarctique. Mais nous étions les premiers à plonger systématiquement. Nous étions les premiers à apporter une soucoupe plongeante qui nous a permis d'explorer jusqu'à 300 mètres de fond, etc. On avait autour de ce continent, on avait, si vous voulez, un domaine immense et complètement vierge à explorer. Hein? Donc oui, là encore, nous avons fait de l'exploration franche, nette, et avec des résultats, d'ailleurs, on a découvert des choses. C'est pas... L'exploration calculée. Oui, absolument. Vous pensez que le grand public a compris maintenant les dangers de la pollution? Oui. Ah, ça commence, oui, mais c'est dire que les gens ont réalisé l'importance, peut-être pas encore. Mais ce qui est frappant, c'est de voir la prise de conscience générale qui est en train de... Enfin, qui est toute récente. Il y a 5 ans, il n'y en avait pas question. Seules certaines personnes savaient qu'il y avait un danger, mais on était loin de l'évaluer. Et ça a grandi très rapidement pendant les 5 dernières années en Amérique et les 3 dernières années en France, je dirais. En France et dans d'autres pays, on a fait un ministère de l'Environnement. J'ai connu... les responsables de ce ministère, ils étaient pleins de bonne volonté, mais ils n'avaient aucun moyen. Toutes les décisions qu'ils pouvaient, les propositions qu'ils pouvaient faire étant contraires à la politique des autres départements plus importants du gouvernement étaient automatiquement barrées. Donc, si vous voulez, je pense que ces demi-mesures sont nocives. Je pense que maintenant, ce qu'il faut, c'est un grand mouvement populaire qui oblige les gouvernants, quels qu'ils soient, quel que soit leur parti, ça n'a rien à voir avec la tendance politique qui sont dérisoires, finalement. Il faut vraiment que le mouvement populaire dise, quelle que soit votre étiquette, vous qui nous gouvernez, sachez que nous voulons de l'air pur pour nos enfants, nous voulons du lait buvable pour nos mômes. Voyez, il faut que ça sache. Et il faut que ça soit une pression populaire intense auprès des gens qui ont les leviers de commande. Et il faut que ce soit dans tous les pays, parce qu'un pays ne peut pas se pénaliser tout seul. C'est pas possible. Il faut que ce soit général. C'est pour ça qu'un mouvement... dans le sens de la défense de l'environnement, ne peut être qu'international. Il ne peut pas être national. Car il y a une nécessité nouvelle de protéger les équilibres de la nature. Absolument. Et ça, c'est un mouvement qui ne peut pas être fait dans un cadre national. Il faut que ce soit, ça éclate, il faut que ce soit une entente internationale. Mais comprend-on que les richesses de la mer nous sont enfin données, vous en avez fait la preuve. Moi, j'ai l'impression que l'humanité veut les détruire. Oh, l'humanité cherche à exploiter la mer sans la connaître, c'est-à-dire à pêcher n'importe comment. La pêche, c'est de la chasse, c'est de la destruction, sans, ça n'est pas l'élevage, vous comprenez. Donc, je dirais pas que l'humanité cherche à détruire la mer, mais il est certain que par négligence et par ignorance, c'est les deux, n'est-ce pas? Ignorance et négligence, on laisse se dévaster la mer. Maintenant, vous savez, où sont les responsables? Je me désolidarise des écologistes qui annoncent la fin du monde. Comprenez, ça m'intéresse pas. Vous n'y croyez pas? Si, j'y crois. Mais ça m'intéresse pas de l'annoncer. Ce que je voudrais, c'est faire aimer la nature telle qu'elle est pour qu'on la protège. Je cherche pas à effrayer les gens. Effrayer les gens, c'est toujours mauvais. Il faut au contraire les apprendre à aimer ce qu'ils veulent protéger. Voilà. C'est dans ce sens-là, ce que les positifs de cette action qui m'intéresse. Alors, la défense de l'environnement sur le plan mondial, ça exige une instruction et une éducation du public. Parce que, vous entendez, suivant les gens auxquels vous adressez, il y a toujours un responsable. Alors, il y en a qui vous disent, c'est la technologie, c'est la science. Stupide, puisque la seule façon, au contraire, de lutter contre ces destructions, c'est des méthodes qui passent par la technologie et la science. Donc, ça ne veut rien dire. C'est l'usage qu'on en fait qui est mauvais. D'autres vous disent, oh, c'est le public est négligent, le public laisse traîner ses bouteilles de bière et ses papiers gras, etc., ou ses morceaux de plastique. Rigolade. Il n'y a qu'à lui expliquer, l'éduquer. C'est par manque d'éducation que le public parfois se conduit comme ça. Et d'autres qui vous disent, ce sont les industriels qui polluent. Ça, c'est vrai, ils polluent. Mais est-ce qu'ils ne seraient pas très heureux, au contraire, de ne pas polluer si on les protégeait par des règlements? Bien sûr que si. Ça augmenterait leur chiffre d'affaires et peut-être même leurs bénéfices. Donc, on ne peut pas dire que ce soit eux. Est-ce que c'est la publicité qui crée des besoins artificiels? Il y a beaucoup de gens qui disent ça, Vance Packard, etc. Eh bien, à mon avis, non. J'ai parlé avec des chefs d'agence. Ils feraient aussi bien la publicité pour des emballages à conserver que pour des emballages perdus. Ça leur est complètement égal. Donc, pourvu qu'on les paye, ils feront la publicité qu'on voudra. Il faudrait une discipline. C'est fou. Une discipline ou un changement d'orientation, changement de valeur, si vous voulez. Alors, il ne reste plus, finalement, comme responsable que les gouvernements. Et je dis les gouvernements sans parler du mien, je parle de tous, en général. C'est à leur niveau que les décisions peuvent être prises. Et au niveau des gouvernements, ils sont eux aussi prisonniers par une chose, c'est qu'ils ne peuvent pas, je l'ai déjà dit, pénaliser leur industrie sans que les autres en fassent autant. Il y a donc, il faut passer par une solution qui, obligatoirement, aliène une partie de la souveraineté nationale. Même si elle est petite, il faut en aliéner un bout pour sauver le monde. Oui. On y arrivera. Il faut espérer. Javid Cousteau, il y a une grande idée. Et cette idée, c'est d'installer des villes sous la mer. Vous pensez qu'on y arrive? Moi, je ne crois pas du tout. Non. C'est un rêve, alors. C'est un rêve fou. Oui, je crois, oui. Les techniques de vie sous la mer sont maintenant bien au point, ou à peu près au point. En tout cas, on fait des progrès énormes. Donc, je pense qu'on se servira de campements sous la mer pour des exploitations ou pour des recherches exigeant des séjours de longue durée. Oui. Mais pourquoi est-ce que ces gens-là iraient fonder un foyer sous l'eau, etc., alors que le soleil, c'est merveilleux? On n'est pas tellement bien sous l'eau, finalement. C'est merveilleux d'explorer la mer, mais... Il y fait froid, il y fait sombre, la vue est très limitée. Je crois que nous ne sommes pas faits pour ça. Vous avez combien d'heures de plongée sous-marine, vous? Alors ça, je n'ai jamais compté, mais enfin, ça doit faire beaucoup. Vous dites on ne voit rien sous l'eau, on voit beaucoup de choses. Vous en avez vu des choses. Beaucoup de choses, mais votre rayon, dans les cas les meilleurs, la visibilité est de l'ordre de 30 mètres, 35 mètres. Autour de soi. Par conséquent, on se trimballe avec une petite sphère de visibilité toute petite, dans laquelle on voit très bien, bien sûr, quand l'eau est claire. Et 30 ou 35 mètres, ça s'apparente à un brouillard épais, hein, qui vous empêche de circuler sur les autoroutes avec 30 mètres de visibilité. Par conséquent, dans les circonstances meilleures, vous êtes comme dans du brouillard. Par conséquent, la vue Nous sommes des visuels, les hommes. Eh bien, la vue est très limitée. La vue est sous l'eau devient un sens presque secondaire. Les poissons dépendent beaucoup plus d'autres sens que du sens de la vue. Commandant Cousteau, autrefois, il y avait beaucoup d'animaux sur la Terre et les hommes en ont domestiqué certains. Enfin, oui. Je pense à la vache, au cochon, oui. Au cheval, à beaucoup d'autres. Peut-on penser qu'un jour, il sera possible de domestiquer les poissons, d'élever les poissons et de leur donner cette vertu qu'ont les animaux domestiques? La plupart des animaux domestiques que l'homme a élevés, à part le chien et le chat, c'est pour être mangé. Voilà. Bon. Je l'attendais. Alors. À part le chien et le chat, quand même. Oui. J'espère que ça va durer. Oui. Alors, il est certain que dans la mer, si on parle d'élevage, c'est également pour la même raison. C'est bien ça la question que vous me posez. Ben. Bon. Alors là, des expériences sont en cours. Ça fait pas mal de temps qu'on en fait. Il y a des espèces qui sont plus ou moins faciles à élever. Les poissons d'eau douce, c'est très facile. Les poissons de mer, c'est très difficile. Certains crustacés, maintenant, grâce à des efforts japonais, français, américains, on arrive à cultiver des crevettes d'eau douce et des crevettes d'eau de mer. On commence à élever les homards, mais enfin, c'est difficile. Bon, mais pourquoi est-ce qu'on est tellement paralysé? Eh bien, il y a toute une série de raisons. La première raison, c'est qu'on ne connaît pas assez ce milieu. Il est certain que quand nos ancêtres, 10 000 ans ou 20 000 ans avant Jésus-Christ, ont commencé à abandonner leur arc et leur flèche ou leur javelot pour la charrue, ils ont choisi un certain nombre d'espèces pour les domestiquer. Ils n'ont pas domestiqué n'importe quoi. Et ils ont choisi un certain nombre de plantes pour les cultiver aussi. Ce choix des plantes des animaux était très difficile. Et pourquoi ne pas prendre le tigre? Pourquoi ne pas faire des élevages de tigres? On ne l'a pas fait. De singes, on ne l'a pas fait non plus. Pourquoi? Parce qu'ils avaient des inconvénients qui n'avaient pas le même rendement. L'homme a choisi la vache, le cochon, le poulet, qui, tous les trois, mangent directement du végétal. Bon. C'est-à-dire qu'il n'y a entre le minéral et la nourriture qu'une étape intermédiaire, le végétal. De même que pour le choix des végétaux, on a choisi ceux qui avaient un rendement très élevé. Pour faire ce choix dans la jungle, je ne sais pas si vous vous rendez compte, hein, qu'est-ce que c'est qu'un grain de blé dans la jungle? C'est une mauvaise herbe quelconque. Et un épi de blé sauvage, c'est pas très différent d'un épi d'herbe ordinaire. Il a fallu connaître que nos ancêtres se passent des siècles d'observation de père en fils pour aller faire ce choix. De même pour les animaux. Bien, dans la mer, on n'en est pas là. Si vous voulez, on n'a pas fait ce choix, on n'est pas capable de faire ce choix. Et même si on savait le faire, il y a très peu d'espèces, il n'y en a presque pas, qui court-circuite le circuit vital, comme la vache, le cochon. Dans la mer, vous avez l'algue microscopique, le plancton microscopique, la larve de petit poisson, le petit poisson, un poisson moyen, et puis finalement, le poisson assez gros. Par conséquent, pour pour un kilo ou une livre de thon que vous achetez au marché, ça signifie peut-être 1000, 10 000 livres de végétal absorbés par directement ou indirectement. Donc, si vous voulez, le rendement est très mauvais dans la mer. Donc, il faut arriver à isoler dans la mer quelques espèces, moi j'en connais qu'une ou deux, et encore, qui peut-être pourraient se livrer à un élevage. Donc, c'est très difficile. C'est pas pour demain. Hein. C'est pas le grand rendement de l'élevage marin, ce n'est pas pour demain. S'il n'y avait pas eu le monde du silence, ce film merveilleux, les choses de la mer auraient-elles été aussi bien comprises? Au départ, parce que maintenant c'est gagné. Oui, peut-être une ou deux années plus tard. Vous savez, je suis persuadé que les gens, les grands inventeurs, etc., bon, ils ont eu la chance d'arriver une ou deux années avant les autres. Si Niepce n'avait pas inventé la photographie, elle aurait été inventée quand même. Hein. Par conséquent. Vous avez gagné du temps. Voilà, on a gagné un ou deux ans. Et sur le plan de la photographie sous-marine, oui. Vous êtes vraiment à l'origine? Non. La première photographie sous-marine, historiquement, était prise par un Français aussi, Boutan, mais au siècle dernier. Donc, vous voyez que ces méthodes étaient extraordinaires, d'ailleurs. Mais enfin, c'est pas pittoresque. C'est un peu différent de ce que vous faites, oui, sans doute. C'était folklorique. Mais enfin, il a fait des photos, oui. Oui, mais vous avez travaillé, vous, d'une manière très particulière. Vous avez inventé une forme de travail. Oui, on a. On a fait des... Au début, on était très artisanal. Et puis maintenant, on est au contraire très à l'avance. Mais est-il vrai que vous fabriquez vous-même vos caméras? Ah oui. Pourquoi? Parce qu'on ne trouve pas cela dans le commerce? Vous avez des idées très spéciales? Oui, nous avons des idées spéciales. Puis nous avons aussi nos méthodes d'utilisation. Et qui ne sont pas nécessairement appréciées par les autres. Nous aimons les caméras petites, longues. Nous n'aimons pas supprimons tous les viseurs. Non, pas de visère. Nous avons appris, j'apprends à mes caméramans à ne pas servir de viseur. Je pense que regarder dans un viseur détourne l'attention du caméraman. Même sur Terre, je ne me sers jamais de viseur dans mes appareils de photo. Vous regardez le sujet directement. Oui, directement. Et quand on a appris à pointer instinctivement comme une mitraillette, d'ailleurs pacifique, vers le sujet, on arrive très bien à cadrer. Jacques Cousteau, au départ, vous étiez commandant, vous apparteniez à la Marine nationale. On sait le sens de votre aventure. On peut prévoir, commandant Cousteau, ce que seront les relations de la mer avec le futur. Vous avez dessiné les premières cartes. Pour moi, c'est extrêmement simple. Et c'est là où ça va sonner pessimiste, alors que ça ne l'est pas. Je suis convaincu, après avoir vraiment regardé la question de près, et j'ai écrit maintenant pas mal de choses là-dessus, je suis convaincu que nous ne pouvons pas survivre, nous ne pouvons pas exister. La vie n'est pas possible sur Terre si la mer n'était pas vivante. Par conséquent, si vous voulez, le meilleur service que la mer puisse nous rendre, c'est uniquement en tant que boomerang, c'est nous qui lançons le boomerang, et... La mer nous rendra ce qu'on mettra dedans. C'est-à-dire, si on l'abîme, ça nous abîmera. Si on la soigne et si on la protège, ça nous protégera. La mer est le grand volant qui équilibre les cycles vitaux, qui équilibre les climats, qui équilibre tout le reste. Bon. Modifier la mer d'une façon sensible, soit par une couche de pétrole à la surface, soit par la destruction des récifs de coraux, soit par l'empoisonnement des populations côtières, etc., c'est automatiquement supprimer pour nous de larges pans de vie et de santé. Et en allant au bout de cette idée-là, la mort de l'océan, c'est-à-dire l'empoisonnement complet de toute forme de vie dans l'océan, se traduirait par une catastrophe dont nous ne réchapperions pas. Ça, j'en suis persuadé. Par conséquent, la grande idée pour moi, c'est de faire bien comprendre, d'expliquer, de justifier et de diffuser l'axiome que l'océan, c'est la vie. C'est-à-dire que notre vie est intimement liée à la vie de l'océan. Voilà, c'est ça, pour moi, la seule chose qui compte. Tout le reste est secondaire, tirer du pétrole, des trucs. Pourquoi faire? Pour augmenter de 5% la production? Rigolade, hein. Il faut maintenant parler de choses sérieuses, c'est-à-dire la vie de nos enfants, de nos petits-enfants, le bonheur de vivre, la qualité de la vie, la joie, le rire, les chansons, les fleurs, les oiseaux. Voilà ce qui compte. Tout le reste, la production du sol, on s'en fout. Mais comment vous concevez la qualité de la vie? La qualité de la vie, c'est ça. C'est le bonheur des gens, c'est-à-dire le sourire. La disponibilité. Mais promenez-vous à Paris et ouvrez les yeux. Vous n'avez que des gueules fermées. Les gens regardent la pointe de leurs chaussures. Et vous croyez que c'est ça le bonheur? C'est ça que nous a apporté la civilisation d'aujourd'hui. Il faut changer les raisons d'être. Et ça ne veut pas dire qu'on doit abandonner les possibilités électroniques, par exemple la diffusion de télévision, etc. Au contraire, mais au lieu de chercher toujours à produire plus en quantité, il faut produire plus en qualité. C'est ça c'est ça le fond du problème. Mais beaucoup sont condamnés, hélas, à rester à Paris. Mais ils peuvent rester à Paris, mais pourquoi est-ce qu'on les oblige à courir? Pourquoi est-ce qu'on les oblige à prendre une voiture quand ils viennent et à rester le matin sur l'autoroute pendant 2 heures, par choc contre par choc? Quand ils arrivent, ils sont furieux, ils rentrent chez eux, ils font des taloches au môme, etc. C'est vraiment ridicule. Alors qu'avant, mais il n'y a pas longtemps, je me rappelle quand j'étais gosse, que j'allais en classe, je bavardais avec les épiciers, avec la crémière, etc. Ils avaient le temps. Aujourd'hui, ils n'ont plus le temps. Il faut qu'ils remplissent des fiches. Il faut qu'ils fassent leur comptabilité. Il faut qu'ils paient leur tiers provisionnel. Il faut qu'ils s'occupent de la sécurité sociale. Leur môme se fout et il faut qu'ils aillent se défendre auprès du proviseur parce qu'on les classe maintenant, dès qu'ils sont en tension tout petit, dans des catégories, comme si on pouvait classer les hommes dans des catégories. Voilà dans les excès dans lesquels on est tombé. C'est grotesque. La sagesse nous conduit donc à réfléchir. La sagesse nous conduit à simplifier. Plutôt la lucidité. À simplifier notre vie, à la simplifier, à la dépouiller des inutilités. Mais la simplifier, la dépouiller, c'est également la déshabiller. Oui. C'est, il faut se regarder. Ah, bah bien sûr. Parfois difficile de bien se regarder. Sûr. Et puis il faut avoir envie de vivre, de rire. Il faut avoir envie de rire. Les gens ont perdu le goût de rire. La joie. La joie est une chose qui est en train de foutre le camp complètement. Mais vous voyez, ils ont compris, les gens ont compris ce besoin d'évasion. Ce besoin d'évasion, il n'existerait pas si les gens étaient heureux chez eux. Donc, commandant Cousseau, lorsque vous partiez sur la Calypso, oui. C'était une fuite. Pas du tout. C'était pas une fuite. Parce que. Ah, d'après ce que vous venez de dire. Oui, mais pardon. Non. Ça coïncidait avec une fuite, mais ça n'en était pas une. Parce que c'était pour justement ramener des arguments et lutter contre cette façon de vivre. Parce que. Si vous voulez, ayant la chance, je ne parle pas seulement de moi, mais de tous mes collaborateurs, ayant la chance de en rentrant, de regarder les dégâts, de les voir, et ça vous crève les yeux quand on rentre d'un voyage. Alors, il faut le dire. Et c'est la chance que nous avons, c'est de pouvoir suivre d'une façon évidente les dégâts de la qualité de la vie qui se propage aujourd'hui. Mais les jeunes, je crois, l'ont bien compris. Ah oui, et tout à l'heure, je regardais ceux qui vous accueillaient au musée océanographique. Oui, nous étions dans votre domaine, c'est-à-dire au musée de Monaco. Les jeunes qui venaient vous voir, je le disais en commençant, vous disaient merci. Oui, mais ils sont formidables. Et puis ils ont pigé. Seulement, est-ce qu'on ne va pas les ils pourrir Ils étaient libres, ils avaient l'air libres. Est-ce qu'on ne va pas les pourrir avant qu'ils aient l'élevier de commande? C'est ça. Mais déjà du pessimisme, pourquoi? Moi je suis plein d'optimisme parce que je les vois auprès de vous. Oui, moi aussi. Interrogateur, vous vous considérez comme un vieux? Ben... Je vous regardais monter les escaliers tout oui, à l'heure. Oui, non, mais ça c'est autre chose. Mais je ne me considère pas comme un vieux, mais malheureusement, je suis vieux. l'état civil le prouve. Alors, tant que j'aurai la force de continuer ce que je fais, je continuerai évidemment. Mais ce que je voudrais, c'est que les jeunes cessent d'attendre un gourou, un messie, et qu'ils fassent ça eux-mêmes. C'est à eux maintenant de prendre la barre. Ils ont le droit d'avoir un modèle, mais ils ne doivent pas attendre un gourou. Ah non. Vous seriez capable de recommencer la vie que vous avez eue, ou bien vous en voudriez une autre? Peut-être recommencer cette vie en la complétant. Je vais raconter une histoire que m'a racontée mon père. Mon père, qui est mort à 92 ans, avait été 20 ou 30 ans plus tôt à une cérémonie, une petite fête donnée en Angleterre en l'honneur du 120e anniversaire, je crois que 115e anniversaire d'une vieille dame. Bon, alors on lui avait apporté les trucs, les journalistes, et finalement les journalistes avaient demandé à la dame: et madame, si c'était à refaire, qu'est-ce que vous feriez? Alors, la vieille dame avait dit la même chose, mais plus souvent. Eh bien, je crois que je dirais à peu près la même chose. Commandant Cousteau, nous avons parlé de votre aventure magnifique. Quelle chance, et vous l'avez dit. Mais il y a maintenant tous les prolongements de l'aventure. Il y a les livres, et j'ai devant moi cette encyclopédie Cousteau, qui est l'encyclopédie de la mer, qui comprendra une vingtaine de volumes. Il y a également les musées. Je sais qu'il y aura des musées... à travers le monde, et j'aimerais, moi, qu'il y ait un musée Cousteau quelque part en France, mais qui porte véritablement votre nom. Eh bien, qui porte mon nom, ça m'est égal, mais qu'on applique ma formule, parce que nous avons commencé à mettre une formule en action aux États-Unis, on a construit un musée. Quand je dis on, c'est toujours la même chose. Je dis on, nous, c'est toujours quelqu'un de notre équipe, enfin, parce que... quelqu'un du clan. Oui, si vous voulez. Mon fils aîné est architecte. Mon second fils est architecte et travaille avec moi. Mon second fils est cinéaste et travaille avec moi aussi. Ma femme, comme vous savez, s'occupe de toute l'intendance et de la marche morale de la Calypso. Indispensable. Indispensable. Bon. Alors, c'est un clan, oui, si vous voulez, un petit clan. Mais ce clan ne contient pas que des Cousteau. Il y a Falco, il y a... je ne veux pas les citer tous parce qu'il y en a énormément. Des gens qui sont absolument fondamentaux et qui font partie du clan. C'est ensemble que nous avons mis au point une formule qui est la même dans cette encyclopédie que dans les musées, si vous voulez, que je suis en train de créer, c'est-à-dire que nous exposons les choses au public, au grand public, d'une façon horizontale, c'est en racontant des anecdotes qui coupent toutes les disciplines. On ne fait pas de conférences didactiques, vous voyez. On raconte des histoires qui concernent les gens, que les gens se sentent concernés par ces histoires. Quand on leur explique comment la vie se procrée, par exemple, chez tous les animaux, aussi bien qu'eux, ils sont concernés. Quand on leur explique comment les gens se nourrissent, comment les animaux se nourrissent, ils sont concernés. Comment on se propulse dans l'eau, leurs bateaux, ils sont concernés, etc. Donc, il faut faire des histoires horizontales. Et parler simplement. Et parler leur langage, en pour disant des choses, même des choses compliquées, on peut toujours les expliquer en langage simple. Il n'y a absolument aucun doute, même Einstein. Hein. Par exemple, là devant moi, j'ai deux merveilleuses photos, gauche-droite, à gauche, une femme qui allait son enfant, et à droite, un dauphin, avec le petit dauphin. Et il y a un homme vient de naître, un dauphin vient de naître. Et vous avez choisi le dauphin parce que c'est peut-être le plus proche parent de l'homme, beaucoup plus proche que le singe. Je ne crois pas que nous soyons parents, vraiment. Enfin, du moins, nous sommes des mammifères. Mais mieux nous, que parents, là. Non, nous sommes d'aboutissements, nous sommes là, des aboutissements analogues de voies différentes. Je dis analogues parce que ce qui est étonnant, c'est que pour une taille à peu près comparable, on a les mêmes organes, on a un cerveau du même poids, comportant à peu près le même nombre de cellules, etc. Enfin, il y a des analogies vraiment frappantes. La seule différence, c'est que le dauphin n'a pas de main. Et ça fait notre supériorité, certainement. Ce que je dis là du dauphin, j'aurais pu le dire de l'orque, qui est un animal au moins aussi intelligent, et au moins, mais beaucoup plus gros, donc il est plus difficile à comparer à l'homme. Ça, c'est vraiment frappant, parce que le petit dauphin qui vient de naître, ou un bébé, ben, c'est presque pareil. C'est... Alors, ce que j'ai voulu comparer, c'est non seulement les deux animaux à leur naissance, mais leur destin. Alors, justement, j'ai ces deux photos devant moi. Quel sera le destin de cet enfant? Quel sera le destin de ce dauphin? Voilà. Eh bien, la différence, c'est que le destin de ce petit bébé, là, qui est là, ou bien il peut avoir un destin exaltant, mais à condition qu'il ait la chance d'être un astronaute ou un leader ou je ne sais pas trop quoi, ou un artiste, un créateur. Ou bien il y a beaucoup plus de chances pour que ce soit un misérable sous-développé dans un pays crevant de faim. Le dauphin, lui, il n'a pratiquement pas d'ennemis. Ses seuls ennuis, c'est peut-être quelques parasites. Il va mener sa vie en jouant, parce qu'en un quart d'heure, il a rempli son ventre tous les matins et tous les soirs. Le reste du temps, il voyage et il joue. Il y a là quelque chose qui me frappe, parce que le dauphin n'a peut-être pas les mêmes perspectives exaltantes, mais il est sûr d'avoir une vie heureuse, ou à peu près sûr. Vous savez très bien, commandant Cousteau, qu'on a déjà utilisé les dauphins pour certaines missions, paraît-il. Ah oui, ça c'est affreux. Vous êtes contre cette perspective. Ouais. D'ailleurs, vous m'avez dit tout à l'heure que vous ne vouliez pas de dauphin prisonnier d'un musée. Non. Ou même d'un bassin. Non. Il ne mérite pas ça. Non, bah écoutez... Il mérite plus, mieux. Moi, ce sont des animaux trop merveilleux qui apprennent, qui comprennent, qui jouent des tours à leurs gardiens, qui inventent des tours... Enfermer un animal comme ça dans un bassin, c'est vraiment terrible. Il n'aurait pas fallu que nous sachions que ces dauphins sont intelligents. Oh, pourquoi? Non, c'est parce qu'on va leur confier des missions. Ah non, mais ça c'est et on leur confiera des missions si on veut bien. Mais il y a quand même une... Je crois que l'opinion publique s'indigne de choses pareilles. Je crois que ces idées-là n'ont aucune chance d'aboutir. Il y aura vraiment un tollé général si on charge les dauphins d'aller déposer des mines ici ou là, enfin des missions militaires. Car les dauphins peuvent le faire. Ah oui, ah oui, oui sûrement. Alors ça je crois vraiment que c'est inadmissible. Il y a tous les autres animaux que vous avez rencontrés, commandant Cousteau, sur votre route. Oui. Et j'ai vu tout à l'heure ces ours magnifiques. Vous avez rencontré beaucoup comme celui-là? Là, vous touchez un point sensible. C'est une des choses qui me reste à faire, c'est d'aller explorer la calotte arctique, enfin la banquise arctique. Je ne l'ai pas fait encore. J'ai été dans les mers arctiques jusqu'au niveau du détroit de Bering, mais je n'ai pas été plus nord. alors que j'étais en Antarctique. Par conséquent, oui, il me reste encore ça, il me reste beaucoup de choses à faire, vous savez. Commandant Cousteau, il y a deux genres de découvertes. Il y a ceux qui se passionnent et qui sont émus devant les ruines d'Angkor, et puis ceux qui sont émus lorsqu'ils découvrent l'Alaska. Et par exemple, il y a cette phrase d'un, je ne sais plus quel reporter a écrit, et il était enthousiaste, dit, parlant de l'Alaska, il dit « Un ciel pâle, une eau immobile, des montagnes enneigées, des glaciers qui descendent jusque dans la mer, une féerie. » Est-ce bien cela ? Ah oui. Vous savez, c'est cette beauté qui est décrite là, Je l'ai vu au cours de 5 journées merveilleuses que j'ai passées en embarcation Eskimo, en Oumiak, à mi-chemin entre l'Alaska et la Sibérie, dans le détroit de Bering, par un temps magnifique. Il y avait les glaces dérivantes avec quelquefois des petits paquets de morses dessus. Dans un ciel, si vous voulez, le ciel, les glaces, l'eau, tout ça se confondait dans une espèce de gris bleu. On ne savait pas où on était, si on flottait dans l'espace ou si on était dans un bateau. Je m'attendais à avoir des spectacles magnifiques, mais pas ce que j'ai rencontré. Ce que j'ai rencontré en Antarctique, c'est de loin ce que j'ai vu de plus beau de toute ma vie. Et pourtant, on est vraiment ému. Ah, c'est fantastique. Oui. C'est vraiment, vraiment absolument inimaginable. Les petits matins extraordinaires. Ah, cette espèce de lueur indécise entre le soir et le matin, c'est fantastique. Et lorsque vous parlez des animaux, je vous ai lu, vous dites des pieuvres qu'elles ont mauvaise réputation, vous parlez des dauphins et vous dites qu'ils sont méconnus, vous parlez du sourire du morse, et vous parlez des baleines qui chantent. Oui, les baleines chantent, il n'y a pas de doute, pas toutes, mais les baleines à bosse par exemple, chantent d'ailleurs avec un scientifique chevronné, spécialiste des baleines, nous avons même essayé, en analysant les fréquences, c'est-à-dire on a comparé la voix de Barbara Streisand à la voix des baleines. Alors, quelle est la... Il y a une commune mesure ? Non, la Barbara Streisand est enfoncée. Il n'y a aucun doute. Vous disiez tout à l'heure, et j'étais un peu triste de vous l'entendre dire, qu'il n'y avait plus tellement à découvrir. C'est donc l'homme qui devrait faire peut-être ses propres recherches. Attendez. Il n'y a plus tellement à découvrir à l'échelle du sens ancien de l'exploration, c'est-à-dire des terres, des spectacles, des nouveautés animales, au niveau de ce qui est visible, ce qui est d'une taille compatible à l'homme. Hein. Parce que dans l'infiniment petit et dans l'infiniment grand, il y a encore bien plus de choses à découvrir qu'il n'y en a sur la Terre. Dans un microscope, on peut faire des découvertes toute sa vie pendant 1000 ans. Quand on quittera le système solaire pour aller dans d'autres... rien que la galaxie dans laquelle nous vivons offrira des milliers d'années d'exploration pour l'homme. Mais sur Terre, des spectacles nouveaux pouvant aboutir à une photographie, si vous voulez, ça, c'est fini. Il vous arrive parfois, commandant Cousteau, de remercier le ciel de vous avoir donné cette vie-là ? Remercier le ciel, non, parce que je ne vois pas pourquoi je remercierais le néant. Mais c'est précis. Oui. D'être confondu devant la chance que j'ai eue, oui. Confondu, c'est le mot. Ah oui. Et ça rejoint une phrase qui d'abord, est d'abord, la chance... Non, je vais même plus loin. Si vous voulez, j'ai beaucoup de chance par rapport... à ce que j'aurais pu être si j'étais né au Pakistan, par exemple. Hein? Bon. Parce que j'aurais pas eu les mêmes... Étant le même individu, j'aurais pas eu les mêmes chances que j'ai eues chez moi dans le monde occidental. Hein? Ça, c'est vrai. Bon. Mais c'est rien, cette chance-là, par rapport à la chance qu'un homme quelconque, fût-il dans une condition atroce, n'est-ce pas, simplement de vivre, d'être né. Il a fallu une accumulation de chances absolument incroyables pour produire un être humain. Donc nous avons tous de la chance. Et je comprends mieux votre phrase maintenant, lorsque vous dites « Je veux éblouir, mais je ne veux pas instruire ». Voilà. Merci, commandant Cousteau. C'était la radioscopie du 10 mai 1974 dans laquelle Jacques Chancel recevait Jacques-Yves Cousteau. C'était une émission retravaillée par Stéphane Combe. Demain à 23h10, nous rediffuserons la radioscopie de la féministe Louise Weiss.